ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous bien que vous auriez pu être Alain Badiou, car le philosophe Alain Badiou incarne un effort remarquable pour penser faux. Dans un livre d'entretien récent, il parvint encore à dire de la révolution culturelle qu'elle fut, je le cite, « un moment passionnant et les millions de morts causés par cette tuerie apprécieront ». Ils apprécieront notamment la volonté jusqu'au boutiste de demeurer maoïste quelques années, quelques décennies même, après que les maoïstes les plus fanatiques aient reconnu leur erreur. Vous savez, quand un pays est dominé par une idée ou par un espoir ou par une construction, il n'a pas les mêmes repères et les mêmes indicateurs idéologiques que lorsqu'il se livre au capitalisme déchaîné qui règne en Chine actuellement. Ce qui fait la spécificité de Badiou, en fait, ce n'est pas qu'il soit le premier, mais bien le dernier. L'homme Badiou s'inscrit dans une longue lignée de mandarins qui ont dominé leur classe grâce à la lutte des classes. À la manière d'Althusser et d'une poignée d'autres, Badiou incarne le marxisme canal historique. Le marxisme doit être entendu ici comme l'ensemble des contresens historiques sur Marx. Car dans d'autres pays, on a traité Marx comme il se doit, autrement dit comme un auteur. En France, le critique du Capital a été considéré comme un dieu, son œuvre constituant une Bible à ressasser, comme le font les théologiens de diverses obédiences. Alain Badiou est emblématique de la voie métaphysique du marxisme. Son travail s'est déployé autour d'une réflexion sur les mathématiques, les arts, le social, mais à chaque fois, il s'agissait de développer une ontologie, autrement dit une science des êtres. Pour le dire autrement encore, la pensée de Badiou est finalement une pensée religieuse, où un mot fait figure de paradis, le mot de communisme. Le livre qu'il consacra aux attentats du 13 novembre est un excellent exemple de cette métaphysique. Pourquoi cette tuerie ? Parce que le monde n'est pas communiste. Attention, communiste pas au sens vulgaire du terme, au sens électoral, non, le mot communisme est à entendre dans un sens beaucoup plus mystique. Il faut l'entendre comme un dispositif politique qui permettrait à la jeunesse de penser qu'un autre monde est possible, un au-delà d'ici-bas en quelque sorte. Car si le paradis se nomme communisme, l'enfer c'est le capitalisme mondialisé. La foi communiste de Badiou lui a permis de célébrer à peu près tous les enfers qui se sont réclamés de ce mot. Défendre les crimes de Mao, trouver des circonstances atténuantes aux Khmer Rouge, le philosophe a réussi ses deux tours de force et bien d'autres. Pour l'essentiel, il n'a jamais cessé de défendre le communisme, arguant qu'il ne fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, y compris lorsque ce bain avait d'abord servi à noyer le bébé. Et maintenant, bonne journée, puisque vous n'êtes pas Alain Badiou.